Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va rester dans le domaine de la santé, mais en s'intéressant à la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et pour ça, on va regarder en fait ce qui se passe dans les rivières. Alors, c'est peut-être pas très courant de regarder ce qui se passe dans les rivières dans le cas de la résistance aux antibiotiques. On regarde plutôt s'il y a des polluants, par exemple. Et quand il y a des polluants, on se dit il y a une industrie qui déverse des eaux usées en amont, ou alors il y a une station d'épuration municipale qui fait pas très bien son travail. Et il y a des chercheurs qui ont regardé aussi ce qui se passait s'il y avait de la résistance aux antibiotiques dans les rivières. Ça se passe dans la rivière South Platte au Colorado. Et donc, ils ont regardé, au lieu de regarder les polluants, ils ont regardé des gènes de résistance aux antibiotiques. Et ils ont trouvé qu'en aval des activités humaines, l'un de ces gènes se retrouve à des concentrations jusqu'à 10 000 fois plus grandes qu'en amont. Alors, François, il est légitime de se poser la question, est-ce que les activités humaines ont un impact sur l'environnement microbien, donc dans ce cas-ci, dans la rivière South Platte? Mm-hmm. Alors, préoccupé par les phénomènes croissants de tolérance de microbes aux médicaments, une équipe du Virginia Tech à Blacksburg en Virginie, dirigée par Amy Purdon, a entrepris de mesurer l'impact des activités humaines sur l'eau d'une rivière, comme tu le disais, la rivière South Platte. Alors, cette rivière prend sa source dans les montagnes rocheuse et a fait son lit dans les plateaux du Colorado jusque dans le Nebraska. Le long de son parcours, elle approvisionne en eau potable la ville de Denver, où vivent environ 600 000 habitants, et sillonne aussi de nombreuses fermes laitières, des pâturages de moutons et des ranchs où on élève du bétail. Et pour traiter les eaux usées qui sont déversées dans la rivière, mais des stations d'épuration ont été construites à différents points. Alors tout ça, ça a l'air d'être bien normal, c'est même presque bucolique avec la description assez pastorale. Mais est-ce que là, bon, s'intéresse donc aux gènes de résistance à des antibiotiques, est-ce que c'est la première fois qu'on mesure les effets des activités humaines d'un bassin versant sur l'eau d'une rivière en suivant des gènes de la résistance bactérienne aux antibiotiques? Ça me semble assez nouveau. Oui, effectivement, c'est le cas. C'est la première fois qu'une étude quantitative utilise cette méthode qui consiste à suivre deux fragments d'ADN bactérien à différents points de la rivière. Alors, le premier fragment s'appelle SUL1 et confère une résistance aux antibiotiques sulfamidés, et le deuxième fragment s'appelle TETW, qui confère une résistance aux antibiotiques de la famille des tétracyclines. Les tétracyclines sont des antibiotiques à large spectre, c'est ça. Alors, il est à noter que ces deux fragments se retrouvent dans l'environnement de façon naturelle et que les antibiotiques sulfamidés et ceux de la famille des tétracyclines sont autant prescrits chez l'homme que chez les animaux. C'est vrai. Puis peut-être aussi, en fait, pour clarifier, en fait, c'est pas vrai. On cherche ces gènes, mais ces gènes-là, il faut dire qu'ils ne sont pas en balade tout seuls comme ça dans la nature. Ils sont dans des bactéries. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est les gènes qui sont... Quand on les cherche dans l'eau, c'est pas vraiment les... C'est une très bonne question. Ouais. Est-ce qu'ils sont libres ou pas libres? C'est une très bonne question. C'est ce qu'on retrouve via les bactéries qui sont dans l'eau, probablement. Je ne pourrais pas dire... Je ne sais pas s'ils sont libres ou pas. C'est une très bonne question. Ouais. Et donc, finalement, qu'est-ce que les analyses ont révélé? Alors, l'étude publiée dans la revue Environmental Science and Technology révèle que 10 sites d'échantillonnage ont été définis dans le bassin versant de la rivière. Certains bien en amont, dans des territoires encore vierges et épargnés par les activités humaines, et d'autres en aval, dans les grandes villes, des stations d'épuration et des exploitations agricoles qui jalonnent son parcours. Alors, le résultat, consultant SUL1, sont assez convaincants. Il montre que l'anthropisation des milieux multiplie par un facteur allant de, comme tu le disais tout à l'heure, de 1000 à 10 000 les concentrations de ce gène relativement aux sites préservés. Le lien est incontestable. Il existe une relation directe entre les concentrations de SUL1 dans l'eau et le nombre de stations d'épuration et d'animaux retrouvés en amont. Par contre, il est beaucoup plus difficile de tirer des conclusions avec le TETW, car il n'y a pas vraiment de corrélation entre ces concentrations sont mesurées dans l'eau de la rivière et le lieu de prélèvement. D'accord. Et est-ce qu'on a une explication à ça, à la différence pour ces deux gènes? Plus ou moins. Des analyses antérieures avaient déjà démontré que le fragment TETW était présent dans les sédiments des régions où la tétracycline s'était incrustée, ce qui est très susceptibles à terme de donner naissance à des micro-organismes. Ça favorise leur développement. C'est ça, des micro-organismes qui sont résistants. Pourtant, même à ces endroits, le TET n'a vraiment rien montré de significatif. Oui? Ah, d'accord. Bon, ça restera donc en suspens. C'est ça, ça reste à élucider ce point. Et bon, alors, mais on le sait aussi, les antibiotiques sont utilisés en excès. Bon, ils sont prescrits aux patients, des fois dans des situations où ils ne seront peut-être pas toujours nécessaires. Ils sont aussi injectés au bétail et pas seulement pour les soigner. Les bactéries, donc, s'adaptent finalement, ou du moins ça fait des milieux qui sont favorables au développement des bactéries qui portent ces gènes de résistance. Et alors, face à la résistance croissante des micro-organismes aux antibiotiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette étude? Bien, on peut conclure que les activités humaines ont un impact jusque dans les génomes des bactéries retrouvées dans les rivières. Ensuite, que les fragments d'ADN ont des modes d'action différents. Bon, par exemple, le SUL1 semble être fortement intégré dans les microbes, alors que le TETW... Le TETA, il n'est pas intégré. C'est ça. Ouais. Pourquoi? Aucune réponse ne peut être apportée pour l'instant. Rappelons également que les gènes de résistance aux antibiotiques ne sont pas uniquement le fait de l'homme. Ces gènes ont été retrouvés associés à un mammouth mort il y a 30 000 ans et conservés au frais dans le pergélisol de l'Alaska, d'une part. Et d'autre part, on les a également détectés dans des bactéries vivantes en profondeur, dans des zones où l'homme n'a jamais mis les pieds. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas l'homme qui les a inventés. Ces gènes-là, ils sont dans la nature. Et puis, effectivement. Et j'imagine qu'on n'explique pas, en fait, là, dans ce cas-ci, leur présence. Alors, la résistance croissante des micro-organismes aux antibiotiques n'est, en fait, rien à petite échelle. Le problème survient lorsqu'il y a généralisation de ce phénomène. Dans certains cas, dans certains cas, les microbes tolèrent plusieurs médicaments. Il existe même les situations extrêmes où une large palette d'antibiotiques n'affecte nullement certaines populations bactériennes. Oui, c'est ça. On n'a plus d'outils. On n'a plus d'armes. C'est ça, ils sont multirésistants. On n'a plus d'armes contre ces bactéries. Contre ces bactéries, effectivement. Alors, le traitement des eaux usées constitue, en fait, l'une des grandes avancées médicales des derniers siècles qui contribue à l'augmentation de l'espérance de vie. Mais si rien ne change, on pourrait basculer, en fait, et faire un pas en arrière. Les mêmes auteurs de cette étude ont fait état dans un travail non publié d'un nombre croissant de microbes pourvus de gènes de résistance à la sortie des stations d'épuration de l'eau et colonisant même les canalisations. Alors bien sûr, cela ne concernait que la rivière South Platte par celles qui l'ont mesuré. Il ne peut pas être automatiquement extrapolé à tous les cours d'eau. Néanmoins, les résultats laissent dubitatif. On peut imaginer que peut-être ça se reproduit ailleurs, dans d'autres cours d'eau, en aval, d'autres stations d'épuration. Effectivement. C'est une question à élucider. Alors ainsi, pour répondre à ta question, que peut-on faire pour contrer la résistance des micro-organismes aux antibiotiques? Ben, je répondrai par une autre question. Doit-on revoir en profondeur nos pratiques médicales et aussi sanitaires? Je pense que c'est une bonne question, effectivement. Merci de la soulever. Je crois que c'est effectivement une réflexion importante à faire pour des raisons de santé publique, parce que, comme tu le dis, à un moment donné, il y a certaines bactéries qui sont résistantes à plein d'antibiotiques et on n'a plus d'armes pour lutter contre ces microbes-là. Et puis aussi, pour une question économique, parce que ces antibiotiques qu'il faut donner, ça a quand même un coût quelque part. Alors, c'est pas pour faire écho à la politique, mais quand on se demande comment faire pour réduire nos dépenses, des fois, il faudrait peut-être regarder ce qu'on fait aussi avec... Compter que le développement de nouveaux antibiotiques aussi, c'est quand même... ça ne se fait pas en un an ou deux. Là. Oui, c'est ça, exactement. La recherche prend quand même une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs aspects à considérer dans cette réflexion-là. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui allons la faire, cette réflexion-là. Alors, on va laisser le soin à d'autres de la faire. Et nous, sur CKRL au 89.1, eh bien, c'est l'heure de la publicité. Alors, on va se lancer en publicité, mais restez avec nous, car au retour, on vous explique comment le nom et la couleur des aliments vous trompent.